Annonce 6. Bienvenue à bord du TGV 8180 à destination de Bordeaux-Saint-Jean. Ce TGV desservira les gares de Poitiers, Angoulême et Bordeaux-Saint-Jean son terminus. Notre départ est imminent. Nous rappelons aux voyageurs n'ayant pas composté leur billet de bien vouloir le signaler au contrôleur lors de leur premier passage dans le wagon.